ça me fait mal à la tête. C'est ça quand les paris B. Après un, le 2, plus comme avant. Maintenant, on passe à la réédition. Putain, c'est plus comme avant. Mais je l'ai trop de fois mis en avant. En avant, derrière ou par devant. Je suis comme le vent, je peux venir en levant, levant. Ça va prendre d'ici là. On fait semblant prendre depuis médicinal. Je peux dire l'oubli, mais c'est moi l'original. Le pied de les catcher comme John Cena. Ça fait comme un boom, c'est moi dis comme au cochon. Chat, y'avait pas un chat, j'étais seul au bon char. Et j'ai pas donné ma langue au chat. Chat, quand fallait la boucler devant l'opère. Ça me fait mal à la tête. 6 heures quand les bois ridés. Le Wally, j'ai cramé ma tête. Sans plus personne que ça fait. C'est des fictions, c'est fermé que des bénédictions. Après le 1, le 2, plus comme avant. Maintenant, on passe à la réédition. La réédition, ouais, ouais, ouais, ouais. On passe à la réédition. Et deuxième cartouche, plus comme avant. Plus comme avant. C'est pas des gangsters, c'est des grosses voyelles. Je reviens pour les punir. Je suis crapuleux depuis la TG. Sous caca de chameau, j'ai des trous sur mon jogging. Streaming, easy, pour moi c'est facile. On connaît le business comme les pétancours. On séchait les cours pour ramener la foule. J'étais pas bête en cours, mais j'ai laissé la school. School, school, elle veut que je lui mette un coup. Comme un mec de Panade peut sortir un 12. Elle, c'est ma mule, j'ai tout mis dans sa foule. Elle vient des mois qu'à son synthé comme caca. Je l'attends à CDG pour cracher ma dope. Devant son avion, devant son Boeing. J'attends devant son avion, devant son Boeing. Dans la chèvre, j'suis calibré sur mon ami. J'ai une traîne en bas du câble. Mais tu peux me voir en yacht avec Marco Mil. Calibré sur mon ami. J'ai une traîne en bas du câble. Tu peux me voir en yacht avec Marco Mil.